Vous écoutez Futur Simple sur CKRL 89.1. Nathalie Quinard au micro. Vous êtes sans doute en train de préparer le souper, ou peut-être que c'est déjà fait. Vous arrive-t-il de vous demander si certains de vos aliments pouvaient être contaminés? Ce sera un questionnement légitime, car les rappels pour les possibles contaminations par des bactéries ou des virus font souvent les manchettes. Si vous allez sur le site du MAPAC, c'est le ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation du Québec, vous pourrez lire notamment que le 28 janvier dernier, on vous recommandait de ne pas consommer des saucisses d'une certaine marque à cause de la présence possible de la bactérie Listeria. Il y avait aussi un avis de ne pas consommer des rillettes de canard pour les mêmes raisons. À Futur Simple, on s'est demandé comment le MAPAC parvenait à remonter à la source quand une vague d'intoxication alimentaire survient. Nous avons invité Virginie Barrère, associée de recherche à l'Institut sur la nutrition et les aliments à l'Université Laval, pour nous l'expliquer. Bonjour Virginie. Bonjour. Virginie, prenons le cas de quelqu'un qui est malade après avoir mangé. Comment savons-nous que c'est relié à l'alimentation et comment l'info se rend aux autorités compétentes? Donc, on va prendre un exemple classique. Quand vous, désolé pour les détails, alors que certains vont être en train de manger. Donc, vous avez une gastro-entérite. La plupart du temps, ça va être dû à un virus. Donc, les symptômes, c'est des vomissements, diarrhée, crampes, fatigue. Quand on est quand même en bonne santé, c'est des symptômes plus graves et plus complexes pour les enfants, les personnes âgées et les personnes immunodéprimées. Et habituellement, au bout de 2-3 jours, on s'en remet doucement. Quand on est infecté par une bactérie, les symptômes sont différents, c'est plus intense. On a évidemment les vomissements, diarrhée, les crampes, les fatigues, mais on a aussi de la fièvre. Les crampes sont beaucoup plus intenses et on s'en remet pas aussi facilement qu'avec un virus. Donc habituellement, les personnes qui ont ces symptômes-là vont aller voir le médecin ou vont même aller à l'hôpital dans des cas graves. Puis, au vu des symptômes de la personne, le laboratoire du médecin ou le laboratoire de l'hôpital va faire des tests pour identifier le pathogène, la bactérie qui est responsable de la maladie. Et par exemple, on peut trouver Listeria, donc, oui. Comme vous le mentionniez tantôt. Il y a aussi Salmonelle, ça peut peut-être aussi parler aux auditeurs, ou Campylobacter. Donc si les analyses montrent qu'on est tombé sur cette bactérie-là, là on parle d'une MADO, donc maladie à déclaration obligatoire. Donc le directeur de la santé publique va être prévenu. Et si cette personne reçoit dans l'espace de quelques jours plusieurs fois la même rapport, comme il y a cette bactérie, moi j'ai trouvé cette bactérie, j'ai trouvé cette bactérie, comme ok, là on a un problème, il y a plusieurs personnes qui sont contaminées par cette bactérie. Oui, et donc, et ceux qui reçoivent ces plaintes d'intoxication, qu'en font-ils? Comment identifient-ils l'aliment ou encore le lot d'aliments? Donc là, il y a toute une batterie de personnes, de professionnels qui rentrent en jeu avec plusieurs ministères. Donc il y a le ministère de la Santé qui s'occupe de tous les aspects de la santé publique, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, que je vais appeler le MAPAC, c'est son acronyme, c'est plus rapide. Il y a d'autres personnes aussi qui rentrent en jeu, l'Institut national de santé publique du Québec, le laboratoire national de santé publique du Québec, qui ont en charge de régler le problème, de trouver l'agent pathogène et de le sortir aussi du marché. Donc le ministère de la Santé va prendre en charge l'aspect de santé publique, comme je disais, et va interroger les personnes malades. Ils vont utiliser un questionnaire pour se renseigner sur ces personnes. Ah oui, intéressant. Et à quoi ça ressemble, ce questionnaire? Alors, les personnes malades remplissent le questionnaire s'ils peuvent. Des fois, ils sont vraiment mal en point, donc ils demandent à d'autres personnes de le faire pour eux. Et le but, c'est de se souvenir, de se rappeler de qu'est-ce qu'on a mangé et qu'est-ce qui pourrait être à l'origine de notre maladie. Je vais juste faire un point qu'il y a, par exemple, Listeria, vous parlez de Listeria tantôt. Listeria, pour beaucoup de personnes, met au moins 3 semaines, les symptômes mènent 3 semaines à se déclarer. Donc là, je vais demander à toutes les personnes qui écoutent d'essayer de se rappeler de ce qu'ils ont mangé les 2 premières semaines de janvier. Pas facile. Non, vraiment pas. Même hier, j'ai du mal. Donc, il y a 3 semaines, je vais avoir aussi du mal. Donc, le but, c'est ça. Donc, vous avez un grand questionnaire, puis on vous demande vos symptômes. On vous demande aussi si vous avez voyagé, parce que peut-être que c'est quelque chose que vous avez attrapé en voyage dans un autre pays. Les épiceries où vous allez, les produits que vous achetez, parce qu'on achète un peu quand même tout le temps la même chose, ou en tout cas on a nos favoris, oui. les restaurants, les personnes chez qui vous êtes allé manger, et si vous avez aussi un régime particulier, sans gluten ou végétarien. Et après, il y a une grande liste de types de produits. Donc, par exemple, produits laitiers. Vous dites, ah oui, je mange des produits laitiers. Ok, vous mangez des yogourts? Oui. Des yogourts avec des fruits? Oui. Est-ce que vous mangez du fromage? Oui. Quel type de fromage? Pâte molle, pâte dure, etc. Et là, vous répondez, oui, j'en ai mangé. Non, j'en ai pas mangé. J'en ai possiblement mangé. Ou je ne sais pas. Et donc, imaginez que vous avez une dizaine de personnes qui sont malades et ils remplissent ce questionnaire-là. Et ces 10 questionnaires... arrive et il va falloir faire des recoupements, mmh. et espérer qu'il y ait un aliment qui sorte du lot, qui soit présent pour tout le monde, et ce serait possiblement l'aliment en cause. Ok, donc en compilant toutes les données, en faisant des comparaisons. Ou des comparaisons. Mmh. Et puis qui s'occupe ensuite de trouver l'aliment qui est en faute et comment on procède? Donc ça, c'est le MAPAC, donc le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, qui s'occupe de faire ça. Donc, il récupère tous les questionnaires. On va prendre l'exemple de l'éclosion de 2008 avec la listeria. Donc, c'est le MAPAC qui avait récupéré tous ces questionnaires-là, puis qui avait tenté aussi de contacter directement les malades. Parce que c'est possible que les malades, chez eux, dans leur frigo, ils aient encore l'aliment. Oh. Qui mm-hmm. les a rendus malades. C'est possible. Ça peut être quelque chose qu'on a acheté en épicerie puis qui nous a rendus malades et qui est encore dans le frigo. Donc on va d'abord aller voir ces personnes-là. Ensuite, on va aller voir les détaillants, les épiceries, parce qu'on sait quels aliments ont été achetés. Donc on sait où ils les ont mm-hmm. achetés. Donc on va aller visiter aussi les épiceries. Et on peut aussi être capable, si les questionnaires sont précis, d'identifier potentiellement des aliments et donc aussi des industries qui fabriquent ces produits-là. Et là, on va aller visiter les épiceries et les industries et aussi les compagnies qui travaillent entre eux, les distributeurs, ouais. les personnes qui font les livraisons, mm-hmm. ou même les producteurs, ceux qui sont avant les industries de transformation. On va chez eux, on prend des échantillons et on prend aussi des échantillons de surface, un peu comme dans CSI avec les petits cotons-tiges, où on regarde sur ouais. les surfaces, puis on essaie de voir si la bactérie n'est pas aussi sur les surfaces. Et ouais, c'est à peu près c'est ça le travail que va faire le MAPAC. Et le but pour eux, c'est... On espère que parmi tous ces échantillons qui ont été récoltés, il y en a qui vont avoir la bactérie qui est responsable de la maladie qu'on a trouvée chez les patients. Admettons, une fois qu'on a l'aliment ou le lot d'aliments responsables, on fait quoi? Mettons qu'on a trouvé un pathogène, une bactérie dangereuse dans l'aliment. Là, c'est l'alerte générale. Même si ce n'est pas la bactérie qui a causé la maladie, là, on a trouvé un pathogène, ouais. là, c'est grave. Là. Donc, on fait un rappel. Donc le rappel, c'est l'objectif, c'est d'arrêter la vente du produit, de protéger le consommateur pour qu'il n'achète pas ce produit, pour qu'il ne se retrouve pas dans les épiceries. Donc les autorités vont exiger que les distributeurs, par exemple les épiceries, tout ça, retirent l'aliment des tablettes. Exact. Et on peut se dire, là vous vous imaginez, bon ok, je vais à l'épicerie puis je vois que le produit que j'aime bien a disparu, ouais. parce qu'il est incriminé, ok. Mais vous vous dites, oui, mais si ça se trouve, j'ai acheté ce produit mm-hmm. avant qu'il ait été retiré de l'épicerie. Donc comment puis-je savoir, moi consommateur, que ce produit est dangereux, parce que ça se trouve il est déjà dans mon frigo. Tout à fait. Donc, page internet pour ceux qui ne sont pas dans leur voiture, Google, on va sur ACIA, A-C-I-A, donc c'est l'Agence canadienne d'inspection des aliments, rappel, et vous tombez sur la page de l'ACIA qui s'occupe des rappels, et vous pouvez vous abonner, vous pouvez donner votre adresse courriel, mm-hmm. et vous êtes alerté dès qu'il y a un rappel de l'agence du fédéral. Même chose pour le provincial, vous allez sur Google, vous faites MAPAC rappel, et là on vous propose sur la page de faire... de donner votre adresse courriel dans le fond, s'abonner, et comme ça vous, ouais. Vous recevez toutes les alertes que le MAPAC ou l'ACIA va faire. Ça vous tient au courant et c'est très très précis, hein. Vous avez la marque, vous avez le numéro de l'eau, la date, c'est vraiment très très précis. Donc c'est un bon moyen de se tenir au courant des risques possibles, et j'encourage vraiment les auditeurs à aller s'abonner à tout ça. Et aussi dans des cas extrêmes, les agences fédérales qui s'occupent de maintenir la santé publics vont faire des conférences de presse pour prévenir le public, pour être sûr que tout le monde soit au courant. Ouais, ouais. Voilà. Et d'habitude, le rappel, il dure combien de temps? Ça dépend de l'étendue. Ça dépend si plusieurs lots ont été incriminés, si ça dépend de la, où est-ce que ça a été vendu, si ça a été vendu aussi dans les autres provinces, voire même dans les autres pays. Les produits incriminés sont détruits. Donc, si vous êtes chez vous et que vous avez il y a eu un rappel et que vous avez le produit chez vous, soit vous l'envoyez au MAPAC, soit vous le jetez. Mais la plupart, donc là, non, les produits incriminés vont être détruits. Les autorités aussi donnent des instructions pour se débarrasser de la bactérie sur les surfaces, pour éviter ce qu'on appelle les contaminations croisées. Donc, les épiceries et les usines qui ont produit et vendu ces produits contaminés, ces aliments contaminés, on va leur indiquer quoi faire, comment nettoyer et comment faire pour éviter qu'une chose comme ça se reproduise. Donc, les bonnes pratiques d'hygiène, le respect des températures, le respect de la marche en avant. Tout ça, et même dans le cas de l'éclosion de la listeria, c'était un problème qui était vraiment très très grave. Donc le MAPAC s'est dit, on a vu qu'il y avait un problème dans une usine, eh bien on va aller vérifier que toutes les usines qui fabriquent le même produit au Québec, on va aller juste les visiter pour être sûr que eux font ça bien et éviter que potentiellement, mais ça se trouve, c'est un message qui avait été mal compris par tous les transformateurs, et donc on va éviter de la listeria partout, puis on va aller les visiter et être sûr qu'ils n'ont pas le même problème. Vous parliez de contamination croisée. Est-ce qu'on prend pour acquis que seuls les lots qui ont été identifiés comme contaminés le sont, ou est-ce qu'on élargit aussi à d'autres lots qui ont été produits la même journée, sur la même chaîne ou avec les mêmes ingrédients? Puis est-ce qu'on vérifie ce qui est issu de la même industrie? Alors oui, on va être vraiment... On va avoir un effet de vouloir surprotéger la population. On ne va pas prendre aucun risque. Donc... habituellement, les lots, on va vérifier que les lots qui avaient été produits avant et après, est-ce que ça a été une contamination ponctuelle? Est-ce que ça s'est passé, par exemple, juste le mardi? Ou est-ce que c'est quelque chose qui dure il y a un mois? Ou est-ce que c'est quelque chose qui a continué à être est-ce que c'est une bactérie qui est présente dans les lots qui ont suivi? Donc, il va y avoir des tests sur les lots précédents et les lots suivants. Et aussi, dans une usine, s'il y a des risques de... justement de contamination croisée parce que on utilise la même machine, le même tapis, le même couloir, le même camion. Est-ce que il y a eu un risque de contamination croisée? Donc on va tester aussi ces produits-là. On va tester les surfaces, puis on va s'assurer aussi que les surfaces n'ont pas été contaminées, entre autres par la listeria, qui est une bactérie qui est très très très difficile à enlever des surfaces. Souvent, il faut arrêter toute activité, il faut retirer tout ce qui a été fabriqué et tout nettoyer de fond en comble. C'est vraiment, listeria est vraiment une bactérie pour ça qui fait vraiment peur aux industriels, parce que c'est une listeria qui est c'est une bactérie qui est dangereuse et qui est très difficile à retirer. Donc c'est ça, on va faire des tests sur tous les lots qui ont été fabriqués le jour même, avant, après, et on étend ou pas le rappel à ces lots aussi. Ah oui, d'accord. Puis une fois qu'on est dans l'usine ou dans la ferme, qui est problématique, par exemple, comment on fait pour identifier l'étape qui est à l'origine de la contamination dans le processus, qu'il soit industriel ou agricole? Puis comment est-ce qu'on peut le corriger? Alors, on va... c'est le MAPAC qui va aller... C'est l'entreprise qui va devoir aussi faire toutes ces étapes-là, mais le MAPAC va les accompagner en faisant des tests. Donc, on va tester toute la fabrication de l'aliment en cause et les autres. On va regarder sur les surfaces. On va regarder la façon de faire. On va regarder les ingrédients, comment ils sont reçus, comment ils sont stockés. Est-ce qu'il y a des risques de contamination entre des produits crus et des produits cuits? Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques qui ont été mises en place? Donc, le MAPAC va vraiment faire un diagnostic très, très profond, une inspection très profonde de l'usine. Ça peut être une usine de transformation, ça peut être aussi la contamination peut avoir lieu aussi chez le producteur, des fois aussi chez le transporteur. C'est arrivé aux États-Unis il y a quelques années, il y avait un problème d'allergène cette fois-ci. C'était le transporteur qui avait transporté du lait et après avait transporté un autre produit, mais ce produit avait été contaminé par l'allergène du lait. Donc, fois, ça n'a rien à voir avec l'entreprise de transformation. Ça peut être ni le producteur, ni la transformation, mais la personne qui entre est entre les deux. C'est ça. Donc, il faut être sûr d'avoir vu toute la chaîne dans son ensemble et d'avoir ciblé temporairement et géographiquement où se passe la contamination. Puis, une fois qu'on a compris où ça se passait, on explique comment y remédier et comment faire pour ne pas que ça se reproduise. Oui. Et donc, c'est ainsi qu'on remonte la filière de l'approvisionnement pour identifier la source de l'intoxication. Exact. Donc, si on refait si on refait le topo principal, oui. Donc, mettons qu'on a des personnes qui tombent malades avec, à cause d'un pathogène. Mmh. On identifie ce pathogène. Attention, c'est pas juste, c'est une salmonelle. Vous pouvez faire confiance aux scientifiques. Là, ils ont une manière très précise d'identifier c'est quelle salmonelle. Avec des, ça marche un peu comme un code-barre. On utilise l'ADN, oui, de la salmonelle, puis on est capable vraiment d'identifier à un niveau très, très, très, très, très précis quelle salmonelle c'est. Mmh. Puis, il faut qu'on retrouve exactement cette salmonelle dans les aliments qu'on a identifiés comme étant potentiellement coupables. Une fois qu'on a ces aliments potentiellement coupables, on vérifie qu'on a la bonne salmonelle. Puis, ça ne suffit pas, là. Il faut aussi demander au patient, oui, ce produit-là dans lequel on a trouvé votre salmonelle, est-ce que ça vous dit quelque chose que vous avez mangé ce produit-là, pour être sûr de faire le lien épidémiologique entre le patient et l'agent qui a causé la maladie. Et qu'est-ce qui arrive s'ils répondent non, par exemple? Alors, ça se peut, hein, ça se peut que la personne réponde non. Dans le cas de la listeria en 2008, il y a quelques personnes qui ont reconnu ne pas avoir mangé l'aliment en cause. D'accord. Mais, en l'occurrence, c'était un fromage. Ils étaient allés à l'épicerie où on coupe ce fromage. Ah, oui. Et ils avaient pris un autre type de fromage. Et c'est au moment où ils ont coupé, la listeria s'est retrouvée sur le couteau. Ah, mon Dieu, oui. C'est un principe de contamination, mm-hmm, croisée. Et la listeria s'est retrouvée sur l'autre fromage. Ouf. Sur le fromage qu'eux ont mangé. Ça montre la complexité, oui, de la chose. Oui, oui, oui, oui, oui. Et en plus de ça, je rappelle que pour enlever listeria, c'est vraiment compliqué. Donc ça entraîne des fermetures, ça, oui, entraîne des arrêts de production, des arrêts d'activité, pour être sûr qu'on se débarrasse de ce pathogène. Et aussi, ça peut arriver, je pense qu'il y a des personnes qui ont dû se dire, je ne suis pas allée dans cette épicerie, je ne mange pas de fromage, et je n'ai pas mangé de ce produit-là. Donc là, à ce moment-là, mettons, c'est théorique là, que toutes les personnes qui ont été malades répondent, non, j'ai rien à voir avec ce produit-là, ben là, ça veut dire que le coupable court toujours, on n'a pas encore trouvé l'aliment, mais par contre le MAPAC peut être content parce qu'ils ont trouvé quand même des produits qui étaient, oui, contaminés avec le pathogène, donc on a pu faire un rappel et éviter d'autres malades. Un certain ménage a été fait quand même. Oui, ouais. Quand même. Donc pour finir, quels conseils on peut donner aux auditeurs qui nous écoutent, par exemple? Alors, pour éviter d'être malade. Oui. parce que on se dit, oui, il y a des bactéries qui sont dans les aliments, puis ça me met en danger. Mm-hmm. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de contaminations qui sont dues à des mauvaises pratiques dans la cuisine. Ma préférée, ne lavez pas vos poulets. Chers auditeurs, ne lavez pas vos poulets crus. Ça paraît sale, un poulet, je le sais, parce que quand on touche la peau, c'est tout gluant. Là. Uh-huh. Ne lavez pas vos poulets, cuisez-le directement, c'est déjà propre. Et surtout, imaginez que l'eau qui coule sur votre poulet projette des gouttelettes. Et s'il y avait de la salmonelle sur votre poulet, les gouttelettes pleines de salmonelle sont retrouvées partout dans votre cuisine. Habituellement, on fait sécher la vaisselle à côté de l'évier. Oui. Donc ça veut dire que vous avez directement contaminé vos ustensiles propres avec de la salmonelle. Uh-huh. Ça c'était c'est la première chose à bannir. Oui. C'est mon coup de gueule, c'est la de rincer les poulets. Non, cuisez vos aliments. Oui. C'est très important de vérifier la cuisson de vos aliments. Lavez-vous les mains avant de cuisiner. Mmh. Et évitez chez vous les contaminations croisées. Si vous avez des aliments crus, que vous utilisez une planche à découper, un couteau, ces ustensiles-là, mettez-les directement dans l'évier. Mmh. Ne vous posez pas la question, oh, mais je vais découper des légumes crus, donc ça fonctionne parce que je vais les cuire après. Bon, non, on prend pas de chance. Normalement, là, quand vous cuisinez, vous devriez en avoir pour une heure de vaisselle. si vous touchez aussi, pensez, il y a les ustensiles, mais il y a aussi vos mains. On va tenir un poulet dans notre main. On va tenir un, oui, steak dans notre main. Mm-hmm. Après, nos mains sont sales. Ne mettez pas vos mains dans la bouche et ne touchez pas après les assiettes propres. Ouais. Ça m'amuse aussi de voir, par exemple, dans les émissions où on voit des gens qui font du barbecue. Oui. Ils arrivent avec l'assiette où il y a la viande crue. Ils font cuire. Puis ils remettent la viande cuite dans l'assiette où il y avait la, oui, viande crue. Oui, oui. Horreur. Horreur. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Ne faites pas ça. Donc, lavez-vous les mains, utilisez beaucoup trop d'ustensiles et quand vous avez un produit cru, considérez-le comme vraiment malsain, oui, potentiellement contaminé, mm-hmm, et évitez qu'il touche quoi que ce soit et qu'il rentre en contact avec les produits cuits ou les produits que vous n'avez pas pris l'intention de cuire. Ben merci Virginie pour ces conseils et aussi d'avoir mené cette enquête pour nous. Alors, je vous rappelle, nous étions avec Virginie Barrère, associée de recherche à l'Institut sur la nutrition et les aliments à l'Université Laval. Je vous rappelle que vous pouvez aller sur le site du MAPAC. Donc, vous allez sur le site du MAPAC, consommation d'aliments, rappel d'aliments. Et on y voit des petits bijoux de rappel. Des fois, rappel de produits de boulangerie par la présence non déclarée d'allergènes, par exemple. C'est pas toujours des bactéries. Mais aussi, on pouvait y lire qu'il y avait du pain qui contenait des morceaux de bois. Et aussi des rappels de viande hachée qui pouvaient contenir des morceaux de caoutchouc. Alors, je vous conseille vivement d'aller voir ce site. C'est très intéressant. Alors, encore une fois, merci Virginie. Merci beaucoup.